Mes amis, quelle joie de zoophilie hier soir. Figurez-vous que j'étais avec l'équipe de Wow Mes Couilles, là. On est invité au vernissage de l'expo de sculptures et confits de canard de Maïté. Oh. Eh ben ça, si c'est pas de la musique de salope. Ta gueule, casque à pointe, on n'est pas là pour les salopes, on est là pour la bouffe. Vu ce que je suis payé, quand c'est gratos, je me gave. Ouais, il a raison. Bon, elle est où la graille? Selon nos dernières informations, la nourriture serait cachée entre les toilettes et la sculpture numéro 5 appelée l'os du poulet. Merci David. Émile, qu'est-ce qui se passe justement du côté du buffet? Bon bah écoute Christophe, c'est fluide au niveau des desserts, on notera juste quelques ralentissements vers les toasts au pâté. On s'en fout du trafic, allez, on passe devant ces connards. Mais il a raison, allez on fonce, poussez-vous bande de crevures, poussez-vous, bordel. Ah, Didier Porte a un malaise, faut qu'il mange sinon il va crever. Tu veux quoi comme... Interruption de programme, la dépêche vient de tomber, Maïté a fait un malaise, je répète, Maïté a fait un malaise. Comme on dit chez elle, le gras de la rillette est au fond du pot. Ah mais ça va pas du tout ça. Mais qu'est-ce qui t'arrive le teckel? On s'en fout de la grosse du moment qu'il reste du pâté. Il a raison le cheveu. Mais enfin vous avez de la terrine au cul ou bien si Maïté ne vient pas aujourd'hui, comment on fait pour le reportage? Mais quel reportage? On s'en tape. Hé, Debaille en cours, il annonce qu'elle est morte et puis c'est tout. Vas-y Debaille, fais voir Christophe. Le monde du showbiz est en deuil, la nouvelle vient en effet de tomber, Maïté vient de mourir. Celle que l'on surnommait amicalement la grosse s'est étouffée en essayant de gober un foie de sanglier. Ah, voilà, c'est parfait. Ah oui, pas mal le Bailloncourt, moi qui le prenais pour un con, je révise mon jugement. Oui bon, n'exagère pas, hein. C'est pas non plus un prix Nobel le gaillard. Oh oh oh, vous vous rendez pas compte, on est obligé d'avoir une interview avec elle. UFM est partenaire de l'expo Maïté. Bon alors je résume, il fera beau cet après-midi, les températures 7 degrés ce matin et 63 cet après-midi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah non, c'est rien, en fait je me suis mis en marche toute seule. Je disais donc, si vous avez suivi, hein, que nous sommes partenaires de l'expo, c'est le patron qui veut ça, il a même pensé à un nouveau slogan. UFM, du rock et du confit. Bon bah, on a qu'à limiter la grosse. Excellente idée, le nazi. David, toi qui sais tout faire, sauf les news bien sûr, vas-y. comme on dit à Bayonne, c'est bon le jambon. Pas mal, on va quand même essayer tout le monde. Helmut, en piste. À l'aise, écoutez-moi ça. Comme on dit dans mon salon, c'est bon le fion. Nul, Didier. Par les couilles d'un talent de Vincent Magnum, j'adore les défis. Comme on dit chez Suizer, c'est bon le front. Eh, hey, tu t'es entraîné. Bien, mais non. Comment ça, non? Mais vous prenez pour qui, espèce de petit enculé d'animateur fasciste? Si c'est comme ça, je me casse. Allez vous faire foutre. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ah, non. Toi aussi, tu t'y colles. Comme on dit chez les initiés, la foule retient son souffle. Comme on dit chez moi, c'est bon avec les doigts. Ah, oh, la honte! Crénel, t'es qu'une bouse. Tu. Il est vivement conseillé d'attendre encore un peu avant d'aller se servir du cassoulet. Le trafic est toujours très dense dans la région. En attendant le prochain point circuit, je vais me transformer en glaçon. Comme ça, vous pourrez vous rafraîchir à me sucer. Voilà, je m'en vais. Évidemment, Christophe, c'était la révélation. La nouvelle Maïté, c'était Émile. Elle a parfaitement répondu à l'interview. Et maintenant, on est partenaire et on a un nouveau slogan qui paye sa chatte. UFM, du rock et du confit de canard. Bon, je vous laisse. Je vais faire pipi. Au revoir.